son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va y aller avec notre commentaire de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc! Salut Danny! Marc, je suis très content de la déclaration de Steve Yzerman ce matin. Ça fait longtemps que je réclamais ça. Les médias québécois n'en parlent pas beaucoup parce que c'est le COVID show. Faut pas nuire au COVID show. Mais Steve Yzerman, ce matin, ça a sorti hier dans le site, dans les coulisses qu'il rapporte, c'est que lui, il dit pourquoi tester des joueurs qui n'ont pas de symptômes et qui sont vaccinés? Et ça, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Il va falloir qu'à un moment donné que ça arrête. Parce que les joueurs sont... On n'est plus en mars 2020. Là. Les joueurs sont... Marc, on en sait un peu plus sur le COVID. Les joueurs, à quelque part, se disent... on va recommencer parce que j'ai eu un Chantal Maccabée qui vient de me dire qu'elle cancelle mon entrevue. Ça va bien? C'est pas long, je vais y répondre. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que ça brosse dans la Ligue nationale, puis j'ai des réunions. Malheureusement, en fait, ma participation, je suis vraiment désolé, ça brosse avec le COVID. J'ai des réunions là-dessus, et c'est ma participation à Chine. Bref, c'est possible. Oui, je vais dire oui, très bien. OK, 5-4-3-2-1-0. On est de retour à danradiosport.com ou encore c'est 5-4-3-2-1-0. On va parler avec notre ami Marc Fortier. Ça brosse pas mal dans la Ligue nationale de hockey. Salut Marc! Salut Danny! Marc, effectivement, donc ça brosse pas mal. Steve Yzerman a fait une déclaration que moi j'avais vraiment hâte qu'un leader se lève. En fait, Steve Yzerman a dit hier, pourquoi tester des joueurs qui n'ont pas de symptômes et des joueurs qui ont été vaccinés. En fait, il remet un peu le dossier de la COVID un peu. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça parce que là, il y a des matchs d'annulés. Les joueurs, ça tombe comme des mouches. Ben, ça tombe pas comme des mouches. Ils sont même pas malades. On les interdit de jouer tout simplement. Marc, je suis entièrement d'accord avec ça. Surtout que la NFL hier a décidé de tester seulement les joueurs avec symptômes. Enfin, un leader qui se lève. Ouais, tu sais, c'est sûr, Danny, que c'est rendu un sujet tellement glissant à parler parce que si tu as le malheur de négliger, entre parenthèses, si tu as le malheur de négliger un peu le virus, t'es un traître, t'es pas correct. Puis si t'es trop pro, ben là, t'es pas correct non plus. Alors, tu sais, le monde essaie de t'sais, on essaie tous de patiner à travers ça, Danny. On est tous fatigués de ce virus-là. On est fatigués d'en entendre parler. Là, on met beaucoup d'emphase sur le Omicron qui semble être très contagieux, mais qui t'es moins malade peut-être. C'est sûr que là, avec les vaccins qu'on a, les gens n'en meurent pas ou presque. Il y en a toujours qui passent dans les maillons là, dans le filet, mais... Grosso modo, là, tu peux t'en sortir. Alors, là, on commence à aller chercher loin, là, de commencer à tester du monde qui n'a aucun symptôme. Je comprends que tu peux l'avoir, ne pas être malade, mais être contagieux quand même. Ça, on est d'accord avec ça. Mais là, tabarouette, si on court. Là, on est rendu que c'est plus le virus qui nous court après. c'est nous autres qui courons après le virus. Exactement. Alors, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une limite qui se fasse. Là. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des joueurs, tu sais, il y a des joueurs qui tombent, qui joueurs qui sont même pas malades. Tu sais, ça fait 2 ans que ça existe. Là. On en a parlé, Marc, je sais pas si on en a parlé en dehors des ondes ou en ondes, mais moi, là, écoute, as-tu vu un joueur malade depuis 2 ans? Ils l'ont pratiquement tout eu. On n'a pas vu un joueur malade ou encore quelque chose de même. Puis à quelque part, là, on va dire, oui, mais il peut donner le virus. Ben oui, tant qu'à ça... sort pas de la chez grippe, vous. La grippe aussi peut donner un virus et sort pas de chez vous, tu peux avoir un accident puis tu peux tuer quelqu'un d'autre. T'sais, à un moment donné, là, c'est assez là. T'sais, à un moment donné, si le gars est pas malade, je dis pas si le gars serait malade puis si le gars serait en danger, on comprendrait puis on est pas fou là. Mais là, à un moment donné, là, c'est assez là. Puis là, c'est parce que, regarde, dans les Ligue du Québec, il y a des équipes, je suis convaincu que tu t'en vas pas vers un autre confinement, sinon ça va faire encore très mal. Ça va faire très mal. T'es là-dedans, Marc. Là. Ouais, moi la seule chose, tu sais, je néglige pas ça, Danny. La seule chose, moi, que je déplore, c'est que là, on focus tellement juste là-dessus qu'on oublie tout le reste qui va alentour. On oublie toutes les maladies mentales que ça apporte, les suicides que ça apporte, les gens qui vont... qui vont économiquement, là, qui vont tout perdre ce qu'ils ont, des entrepreneurs, des restaurateurs. On va avoir. On est en train de scraper l'économie au complet. Mais on ne parle pas de ceux qui meurent de la grippe. On ne parle plus de quelqu'un qui meurt de la pneumonie, meurt. On a perdu une bonne hier. On a perdu une bonne hier. Oui, oui. Exactement. Alors, tu sais, fait que ça, c'est comme si, c'est plus grave, c'est plus assez grave, parce que là, il y a quoi qui est pire que ça, puis là, on focus juste sur l'autre affaire. Alors, c'est pas ça, là, il faut, on ne peut rien négliger. Alors, c'est pour ça que je pense que on est rendu au point où il va falloir commencer à apprendre à vivre avec le virus, parce qu'il va être tout le temps là, le virus, puis quand que ce soit... Puis lui, il va en avoir un autre virus qui va sortir. Puis on va être obligé de peut-être d'aller se faire vacciner comme l'influenza, mettons, comme le vaccin de la grippe. À tous les années, le vaccin est disponible. Il va devenir disponible pour les gens à tous les années. Si tu veux aller renouveler ton vaccin, tu vas pouvoir y aller. Alors, je pense qu'il va falloir en emmener là. Sinon, là, ça va trop être dommageable dans tous les autres sphères de la société et spécifiquement monétairement où regarde, ça n'a plus de bon sens. Là, moi, je trouve que là, les dernières décisions qui ont été prises, moi, je trouve ça horrible dans le sens que, je te donne un exemple, Danny, tu sais, pour revenir à la conférence de presse que le ministre Legault a fait jeudi 6 heures. Tu sais, Danny, là, quand ils ont annoncé la conférence de presse à 6 heures, là, il y a du monde de Sept-Îles, il y a du monde de Sept-Îles, il y a du monde de... Oui, mais Danny, le mercredi soir, là, il savait qu'est-ce qu'il allait annoncer. On est d'accord avec ça. Quand tu annonces une conférence de presse, tu sais qu'est-ce que tu vas annoncer, hein? Mm. Tu sais que tu vas annoncer qu'à 19h, les portes du Centre Bell vont être fermées. Mm. Pourquoi que pendant le gros de la pandémie, là, pendant la grosse crise de la pandémie l'année passée, là, le gouvernement... fédéral faisait sa conférence de presse à 11h le matin, puis le provincial le faisait à 1h l'après-midi. Mm. Pourquoi que tu n'as pas fait une conférence de presse à 10-11h le matin? Tu savais de quoi tu allais parler pour dire aux gens, restez chez vous, le Centre Bell va être fermé ce soir, descendez pas de la BTB, du bas du fleuve, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Beauce. S'il n'y a aucun respect. Montez pas pour rien à Montréal, vous ne pourrez pas rentrer au Centre Bell. Non, ils annoncent ça à 6h. Avec une heure d'avis de dire qu'à 7 heures, les portes du Centre Bell vont être fermées. Quand toutes les gens sont en route, les gens sont déjà à Montréal, il y a des jeunes qui rêvaient d'aller au Canadien pour la première fois de leur vie. Puis que là, tu leur annonces qu'ils ne pourront pas rentrer au Centre Bell, mais pour toutes les autres les autres domaines, dans toutes les affaires, vous autres, ça va être lundi. Mm-hmm. Fait qu'en fin de semaine, vous pouvez remplir vos salles de spectacle, vous pouvez remplir vos cinémas, vous pouvez remplir vos restaurants. Vous pouvez aller dans les karaoké, toutes ces affaires-là, c'est correct. Vous autres, le virus, il ne devrait pas arriver avant lundi. Voyons donc, Danny, ça ne marche pas. Là. C'est deux poids, deux mesures. Puis moi, je trouve que c'est un manque de respect pour le peuple à qui qu'on demande depuis deux ans de faire des sacrifices, d'essayer de vivre avec ça, de donner un coup de main à la population, à t'aider. Mm. Quand c'est le temps de remettre l'ascenseur, ben, tu pèses sur le piton et tu n'ouvres pas la porte. J'ai hâte de voir, en tout cas, ça va donner suite à quelque chose. Je comprends que les joueurs de la Ligue nationale n'iront pas en Chine, puis ça, c'est tout à fait normal. T'as-tu vu le protocole? C'est un protocole de fou. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça, je comprends ça, puis gars, je comprends les joueurs. C'est pas la COVID que j'ai peur, c'est le protocole. Puis tu sais, les Chinois sont tellement pas trop stables. Mais le reste, on peut-tu continuer à jouer? On peut-tu continuer? Puis s'il y a un gars, on réagira tout en se protégeant, puis tout en faisant attention. Mais là, ça a plus de sens ce qui se passe. Puis moi, j'ai bien de la misère à croire que le Canadien... Ben là, ça commence à sortir. Le Canadien ne l'a pas trouvé drôle, celle-là. Là. T'as-tu vu la déclaration ce matin? Puis c'est des pertes, eux autres, là. C'est beaucoup de pertes, eux autres aussi, là. Mais c'est parce que je comprends pas pourquoi, s'ils en sont venus à cette décision-là, il faut que tu avises. Il faut que tu fasses... Voyons donc, Danny, tu peux pas... comme on dit l'expression, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Ben ouais. Là, tu ne peux pas arriver et pénaliser le Canadien un jeudi soir à une heure d'intervalle puis permettre à tout le reste de la société de eux autres, t'as un sourcil jusqu'à lundi. Je ne sais pas, là, à moins que le virus, ils choisissent où ce qu'il va, puis qu'ils ont été capables de voir sur un radar qui s'en allait au Centre Bell ce soir-là. Là. Mais moi, d'après moi, il est pas mal partout, le virus. Là, alors, j'ai trouvé ça un coup bas un peu de faire ça. Ouais, effectivement. Bon, on va y aller maintenant avec... je veux te parler de Danny Dubé, qui est allé avec une bonne déclaration l'autre jour. Qui est allé... écoute, j'ai trouvé ça pas bête du tout. Jake Allen... d'abord, j'ai fait une entrevue avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton. Il dit que lui, Carey Price avec les Oilers, il serait très surpris. Il voit plus Marc-André Fleury. Moi, ça fait longtemps que je le dis, Marc-André Fleury est bien plus intéressant que Carey Price à cause de la grosseur du contrat. Mais Danny Dubé a amené quelque chose. Jake Allen, 3,4 millions, garde très bien les buts. Lui, il pense que le Canadien pourrait avoir un choix de première ronde pour ça. Comment tu vois ça, toi? Ben, écoute... Tu sais, les gens disent, ouais, c'est ouais, belle. Ouais, il me... Tu sais, je l'aime bien, là, Jake Allen. Moi, je crois pas que c'est un vrai 1. Ah non, c'est un Brian Hayward. C'est un bon gardien de soutien. C'est un très bon numéro 2. C'est un numéro 2 de luxe. Mais sur une longue run, si tu veux aller gagner la Coupe Stanley, mettons, là, si tu vas chercher Jake Allen, je pense pas que tu as trouvé la solution pour t'amener jusqu'au bout. Là. Mais par avec contre, un bon gardien... Ça peut faire reposer ton numéro 1, par contre. Oui, c'est ça, exact. Là pour un 2 de luxe dans une équipe qui se sait jusqu'au bout, oui, il devient un joueur intéressant. Mais si tu vas le chercher, comme je te dis, tu vas le chercher à mettons, Edmonton, là, parce que tu veux te rendre jusqu'au bout, je pense pas que c'est ta pièce maîtresse que tu vas aller chercher. À Marc-André Fleury a déjà gagné l'expérience. Mm. Il a appris à gagner. Il a des Coupes Stanley. Il a joué avec Pittsburgh, qui était une organisation où ce que gagner fait partie de la tradition de cette équipe-là. Oui, tu peux aller chercher un gars comme ça. Mais tu sais, Jake Allen, il faut que tu sois solide déjà dans les buts là, si tu vas le chercher. Alors, si tu es prêt à payer un choix de première ronde pour aller chercher un 2 de luxe, ben, Colin, moi, j'étais le Canadien, j'hésiterais pas à l'envoyer. Hey, David Savard, les gens disent jamais qu'on aura un... Qui aurait dit David Savard on va aller un choix de première ronde? Oui, mais ça, c'est relatif, Danny. Ça dépend. Un choix de première ronde, Danny, là, ça veut... Pour une équipe, ça veut rien dire. Je te donne un exemple. Une équipe qui veut aller jusqu'au bout, puis que lui, dans sa banque, là, ils ont déjà un exemple, ils ont trois choix de première ronde, admettons. Fait qu'eux autres, là, sacrifient un choix de première ronde quand il t'en reste deux, tu vas dire, ben, c'est pas payé si cher, on en avait trois. Ouais. Mais quelqu'un, une équipe, là, qui ont un choix de première ronde seulement, puis admettons qu'ils ont déjà échangé leur choix de deux puis leur choix de trois, admettons qu'ils ont un 1 puis un 4. Puis là, ils doivent payer un 1 pour aller chercher un Jake Allen. Eux autres, ça va être payé cher en maudit parce qu'après ça, ils vont repêcher seulement en quatrième ronde. Fait que comprends-tu la valeur d'un choix, là, ça dépend toujours. Qu'est-ce que tu as dans ta banque de choix? Alors, quand tu as plusieurs choix, tu es prêt à sacrifier un 1, un 2 si tu es bien nanti. Alors, c'est relatif un peu la valeur. Non, effectivement. Bon, on va faire une pause et c'est à des fêtes, Marc. Je vais te parler d'une transaction qui vient de survenir dans la Ligue Journal. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 88-679-4178. BR Metal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Metal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Metal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 88-276-5888. On est de retour à danradiosport.com. Marc, transaction chez les Saguenay de Scoutimi, ça vient juste de sortir. Félix Lafrance qui a été échangé. On savait que les Saguenay allaient échanger Lafrance. Il y avait une rumeur qui était forte là-dessus. Donc, Lafrance qui prend le chemin de Batters. Donc, t'es surpris de la situation, mais écoute, Batters, là, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Je suis pas beaucoup le junior majeur du Québec, mais ça, il risque de rentrer dans les séries. Est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, mais c'est une équipe, je pense, Batters, qui sous-performe depuis le début de la saison. Je pense qu'il y avait des attentes qui étaient plus élevées envers Batters. Ils ont pas la saison qu'ils voulaient. Je suis surpris un petit peu parce que la qualité d'un joueur de la France, un joueur de 20 ans, normalement, tu aurais pensé qu'il aurait été dans les équipes qui vont se battre pour la Coupe Memorial. Un exemple, Saint-Jones qui reçoivent la coupe, eux autres sont allés chercher, je pense, le jeune Sivigny de Victo. Ouais. Mais d'un autre côté. Il a le garçon à Pierre Sivigny en passant. Hein? C'est le garçon à Pierre, exact, ouais. Vincent. Mais je suis surpris un petit peu, effectivement, qu'il se retrouve avec Backers. OK. Donc, on va surveiller ça d'après. Marc, on va se reparler dans le temps des fêtes pour la rétrospective de l'année. Je te souhaite un bon dimanche. Donc, un gros merci pour le plaisir de s'en parler. Ça fait plaisir, Danny. Notre ami Marc Fortier.